Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, puis surtout être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps. Je suis chanteur, je chante pour mes copains. Je veux faire des tubes et que ça tourne bien, tourne bien. Je veux écrire une chanson dans le vent, un air gai, chic et entraînant, pour faire danser dans les soirées de Monsieur Durand. Et partout dans la rue, je vois qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, qu'elles s'arrachent ma vertu. Pour les anciens de l'école, devenir une idole, je veux que toutes les nuits, essoufflées dans leur lit, elles trompent leur mari. Des galas, mon public se prosternera devant moi. Des concerts de 100 000 personnes, ou même le tout Paris s'étonne et se lève pour prolonger le combat. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. J'admire qu'elle me tue, qu'elle s'arrache ma vertu. Puis quand j'en aurai assez de rester leur idole, je remonterai sur scène comme dans les années folles. Je fais pleurer mes yeux, je ferai mes adieux. Et puis l'année d'après, je recommencerai. Malheureux pour ne rien regretter.